Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Loïs qui a dû quitter le grand froid pour se retrouver dans ce que nous appelons froid ce matin, qui n'est probablement pas du froid, n'est-ce pas? Oui, c'est encore une grâce pour nous lorsque nous pensons un peu à tout ce que Dieu a fait pour nous. À travers tout ce qui vient d'être dit, Paulin vient de donner l'annonce que demain on se retrouve ici, demain c'est le 25, n'est-ce pas? Mais lorsque vous traversez la ville, est-ce que vous avez besoin de savoir, vous avez besoin qu'on vous dise que c'est le 25? Pourquoi cela? Je pose la question. Oui? Il y a poulet partout. Bon, ça c'est ce que Paulin a remarqué. Paulin a remarqué qu'il y a poulet partout. Est-ce qu'il y a autre chose qui... Oui? Tout est... Tout... On dirait que tout est Noël, c'est ça? L'atmosphère, c'est Noël. Il y a tout ce qu'on voit, c'est Noël. Et vous voyez, est-ce que tout ce monde-là... Parce que nous sommes à l'église en ce moment-là. Mais il y a des gens qui sont dehors. Et eux tous vont dans la même mouvance de Noël. Est-ce qu'ils sont tous chrétiens? Est-ce qu'ils croient tous? Mais moi, je vous pose la question, pourquoi? Parce que ça, c'est une raison que nous devons... C'est une question que nous devons nous poser toujours. Sinon, tous, on parle de Noël. Vous avez vu, les magasins ont changé. Il y a des magasins même qui ont poussé. Hier, au journal, je crois qu'un des journalistes disait que avec la Noël, en fait, c'est comme... Tout a changé. Même les bords des rues qui n'étaient pas des magasins sont devenus brutalement des rues et sur des magasins. Et puis... Tout est devenu vraiment Noël. Tout chante Noël. Mais on ne peut pas dire que les gens ne sont pas au courant. La question que je me pose est la suivante. Pourquoi tout ce monde parle de Noël, se jette dans des activités pour avoir quelque chose pour la Noël, mais on refuse de croire à celui qui en est le centre? Ça, c'est une question très importante et à laquelle je crois que nous allons tous essayer de réfléchir pour répondre. Mais une chose que je vois déjà, qui peut être une esquisse de réponse, à travers les différentes lectures que nous avons eues avec la sœur Martine, on a vu des prophéties à propos de celui qui serait au centre de cette Noël-là. En l'occurrence, le Seigneur Jésus. Beaucoup de prophéties là-dessus. Et un des passages que j'ai retenu, c'est Ésaïe 7, verset 14, qui nous parle de façon claire. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites des siècles avant. Mais c'était difficile de croire jusqu'à ce que cela se réalise. Et lorsque je lis la Bible, et c'est ce que je voudrais que souvent, nous, en tant que chrétiens, nous ayons, comme, disons, comme impression, lorsque nous lisons la Bible, regardons aux personnages de la Bible de l'époque. Nous pouvons facilement comprendre pourquoi ils ne comprenaient pas. Parce que, quand quelque chose a été dit, prophétisé, les gens... Ce n'est pas qu'ils ne croient pas aux prophètes. Mais, vous voyez, pour qu'on puisse dire oui, c'est effectif, c'est lorsque cela se réalise. C'est pas cela? Et, souvent, nous jugeons à tort des personnages bibliques parce qu'ils n'ont pas accepté du coup. Mais, vous voyez, comme notre Dieu est un Dieu qui ne change pas et que c'est un Dieu, ce qu'il dit, il ajoute des preuves de foi. Il y a des signes même avant que cette prophétie ne se réalise. Et quand on a ces signes, en principe, on ne doit pas douter. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui que nous ne devons pas comprendre facilement nos contemporains. Eux, ils parlent de Jésus, ils parlent de la Noël, ils parlent de ceci et cela. Mais pourquoi ils ne croient pas? Ça, c'est une question à laquelle on doit répondre parce qu'il est venu. Parce que si on parle de la Noël, c'est parce qu'on croit on est d'accord avec ce qui s'est passé. On dit que voilà, c'est l'anniversaire de sa naissance. Tout le monde est d'accord avec ça. Les gens célèbrent des anniversaires, n'est-ce pas? Bon, mon épouse aura son anniversaire demain parce qu'elle est née le 27 décembre. Elle, par exemple, si on lui dit, on lui dit c'est ton anniversaire, qu'elle veuille ou pas, elle est d'accord. Parce qu'elle est née le 25 décembre, c'est ça? Ok. Maintenant, si c'est célébré ou pas, ça, c'est elle qui décide. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont vraies. Mais des gens, quand même, doutent, refusent, rejettent. Et en prenant un recul, en repartant aux événements qui parlent de la naissance de ce Jésus, je crois que nous pouvons facilement chercher à comprendre certaines des raisons qui peuvent être valables pour vous et moi aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, si beaucoup de gens sautent dans l'événement de Noël, trouvent leur compte dans cet événement, mais refusent de croire, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, on peut le découvrir en regardant dès le début. Le texte que je voudrais que nous lisons, il est assez long, mais je vais vous laisser après continuer la lecture. Je voudrais que nous lisons l'événement de cette naissance de Jésus dès le début. Parce que Dieu a utilisé des hommes toujours. Il l'a toujours fait. Et je crois que c'est un Dieu vraiment... il est un Dieu bon. Il utilise toujours des hommes comme des instruments pour toujours accomplir ses desseins. Comme le prophète Ésaïe qui a été utilisé pour prédire. Beaucoup d'autres personnes ont été utilisées comme des instruments pour que Dieu puisse aller doucement à ce que nous avons aujourd'hui comme le chemin par lequel on peut venir au salut, c'est-à-dire le sauveur, jusqu'à ce que nous puissions l'atteindre. Donc, notre lecture va commencer à partir du premier chapitre de Luc, de verset 5, et nous allons nous arrêter aujourd'hui au verset 38. Mais je vais vous inviter à lire la suite jusqu'au chapitre 2. Vous allez lire jusqu'au chapitre 2 de Luc après. Et demain, nous allons continuer cela. Et j'allais encore vous encourager à lire encore dans Matthieu. Matthieu au chapitre 2. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que je voudrais que nous regardions et que nous réfléchissions là-dessus. Dans le premier passage, nous allons voir deux personnages. Et nous allons un peu parler de ces deux personnages-là. J'ai intitulé le partage de ce matin-là. L'humilité et la foi triomphante reconnaissent le Sauveur. L'humilité et la foi triomphante reconnaissent le Sauveur. C'est deux choses. Il faut d'abord l'humilité, il faut la foi, mais il faut que les deux soient triomphantes. Qui puissent reconnaître le Sauveur. Si vous avez trouvé votre texte, nous allons commencer dans Luc 1 au verset 5. Je voudrais que quelqu'un lise la première partie. La personne va lire à partir du verset 5. Elle va lire jusqu'à ce que nous arrivions au verset 25. Nous avons de longues lectures. Ali a son français courant. Ok. À 25. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel. servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai, car je suis vieux et ma femme aussi est âgée ?» Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. » Amen. Merci, Ali. Voici Zacharie, et je crois qu'en lisant ce passage, nous pouvons dire beaucoup de choses à propos de cet homme. Le verset 7 nous dit, et le verset 6 nous dit, parlant de Zacharie et de sa femme, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui on trouve des gens comme les gens de la tente de Zacharie? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, au moins en les qualifiant ainsi, on sait que c'était quelqu'un d'assez correct. Et mieux que cela, s'il n'était pas correct, il n'allait pas être choisi dans son groupe pour être un des sacrificateurs. Et vous voyez, il a été dit que c'est, après avoir tiré au sort, c'était le tour de son groupe. Et je suis convaincu que s'il n'avait pas une certaine confiance en lui-même, il n'allait pas accepter d'y aller. Parce que vous saviez que pour offrir ce parfum-là, il fallait être sûr de soi. On n'y allait pas n'importe comment. Donc, Zacharie se trouve devant l'autel. Et notre texte nous dit que l'ange apparaît. Et là, nous commençons à voir quelques défaillances dans Zacharie. J'allais vous poser la première question. Est-ce que Zacharie pouvait douter de la présence de Dieu en entrant dans cette partie du temple-là? Est-ce qu'il pouvait douter de la présence de Dieu? Je ne pense pas. Puisqu'on nous dit dans le texte que le peuple était derrière et c'était le prêtre qui rentrait. Il était seul. Et ça voudrait dire qu'il était en présence de Dieu. Zacharie ne pouvait pas, et par expérience, douter de la présence de Dieu dans ce lieu où il était et où il s'apprêtait à faire le sacrifice. Il ne pouvait pas douter un seul instant de la présence de Dieu. Par expérience, il savait que c'était le lieu qui était réservé et où on pouvait rencontrer Dieu. Il n'y avait pas de doute à cela. Mais voyez, l'ange apparaît. Il y a un problème avec Zacharie. on commence à voir une différence. L'ange s'adresse à Zacharie jusqu'au bout. Et la question que Zacharie a posée n'était pas, je peux dire d'une certaine façon, j'allais dire, ce n'était pas une question à poser. Parce que, sachant que c'était la présence de Dieu dans le temple où il était, en voyant l'ange, il était convaincu que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui était venu rentrer se joindre, puisque ça ne se fait pas. C'est cela ? C'est un seul qui rentre. Il est rentré et voilà, quelqu'un apparaît et commence à lui parler. On n'a pas dit de la manière dont il est rentré, mais on a dit il a apparu. Et je crois que quand on dit il a apparu, immédiatement tout le monde sait que ça c'est quelque chose de mystérieux. Et d'ailleurs, ceux qui étaient derrière, ceux qui étaient dehors, à la fin, ils ont dit, ils se sont rendus compte que Zacharie avait eu une vision, n'est-ce pas? Et quand on dit une vision, bon, d'habitude, ce n'est pas quelque chose de physique qu'on voit du premier coup. Ça veut dire que son apparition est brusque et c'est quelque chose que ce n'est pas sûr que ça soit toujours là. Donc, Zacharie se trouve devant une situation difficile et nous voyons qu'à travers son doute, parce qu'il a douté, il est frappé de mutisme. L'ange Gabriel lui dit clairement la raison pour laquelle il va le rendre muet. Il a dit parce qu'il a douté de lui. Il a même précisé que lui se tient toujours devant la face de Dieu. Et je ne sais pas, le texte ne nous dit pas si Zacharie et sa femme n'ont pas prié pour avoir un enfant. Mais je crois quand même que ça c'est le couple, ça c'est le devoir de tout couple. Et surtout au temps de Zacharie où on voyait que on s'attendait toujours à ce que quelqu'un ait une postérité. C'est sûr que quand ils se sont mariés, ils ont pris du temps pour prier, pour chaque fois demander à Dieu de leur donner un enfant. Et je crois que la parole de Dieu est pleine d'exemples. Quand on voit l'exemple de Anne, la mère de Samuel, quand les gens n'ont pas d'enfant, ils demandent à Dieu d'intervenir. Et peut-être qu'avec le temps, parce qu'il a dit à l'ange qu'il était d'un âge avancé, et sa femme aussi, et notre texte nous dit qu'on dit que sa femme était stérile, peut-être qu'ils se sont arrêtés là, découragés. Bon, on ne dit plus rien. Mais l'ange vient contredire cela et dit, voilà ce que Dieu dit qui va arriver. Pourquoi Zacharie a-t-il douté? Je crois que la raison était simple. Il y a son âge et l'âge de sa femme. Il a dit, comment est-ce que cela peut arriver lorsque moi, je suis d'un âge avancé avec ma femme? Et lorsqu'on a accepté déjà le fait que sa femme est stérile, et vous avez accepté qu'elle est stérile. Voilà des aspects physiques. Ça, c'est physique. Zacharie reconnaît cela dans son corps et dans sa tête. En tant qu'homme, on dit, si tu dépasses un certain âge, bon, tu atteins un certain âge, si tu n'as pas d'enfant, ça veut dire que tu n'en auras pas. Je crois que c'est des éléments qui font que Zacharie a eu du doute. Et Zacharie a dit à l'ange, est-ce que cela pourrait se faire? Et à cause de ce doute, Zacharie a été frappé de mutisme. L'ange est venu à lui dans un lieu, je peux dire. Et je peux dire, la difficulté de Zacharie, c'est le lieu où l'ange est venu le trouver. C'est le lieu où on peut, à 100%, être sûr que Dieu pouvait être présent là. C'est pas cela? À l'église où nous sommes aujourd'hui, avant de prier, lorsque nous commençons la prière, on ne considère plus cela comme le salon, simplement des gars du foyer. Ou bien, si ce sont les gars du foyer, c'est leur salon, ils peuvent sortir leur télé placée, ils peuvent se poursuivre ici, ils peuvent dire des choses, n'est-ce pas? Mais dès lors qu'on a placé les chaises et tout, on considère que nous sommes maintenant dans la maison de Dieu. C'est cela? Et il y a des choses qu'on ne fait pas. On est tous convaincus, voilà, sa présence est là. C'est cela. Même si c'est sous un arbre, si vous dites que vous allez faire le culte là-bas, qu'est-ce que vous pensez? Vous, dans votre pensée, Dieu est avec vous. Et souvent, on ne tarde pas dans la prière de dire, tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au... Voilà. Donc même si c'est dehors, on pense qu'il est là. Zacharie, le fait qu'il ait douté, voilà la difficulté, c'est parce qu'il était en un lieu où on ne pouvait pas douter de la présence de Dieu. Allons avec la suite pour voir le second personnage. Si quelqu'un peut lire, Omar a sa version. Ok. Si tu peux continuer la lecture jusqu'au verset 38, la deuxième partie de notre texte. Mm-hmm. Mm-hmm. Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée nommée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, qui était descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grâce particulière. Il est avec toi. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit : Alors, n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand. Et on l'appellera le Fils de Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre. Et il régnera sur le peuple d'Israël pour toujours. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela sera-t-il possible ? Puisque je suis vierge, l'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, bien qu'elle soit âgée. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est maintenant à son sixième mois, car rien n'est possible à Dieu. Alors Marie dit : Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. Amen. Dans notre texte, nous ne voyons pas quelque part où l'ange dit à Marie : Je suis l'ange. Est-ce que ça ressort ? L'ange ne parle pas à Marie. Marie a posé la question : Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? Je ne connais pas d'homme. Bien. Quand nous voyons ce que l'ange a dit à Zacharie, l'ange a dit quoi à Zacharie ? Ta prière a été exaucée. Et il a prolongé. Quelle prière ? Nous voyons la prière que Zacharie avait faite. Ta prière a été exaucée, et puis ta femme, et on continue. C'est pourquoi j'ai dit, je suis convaincu qu'ils ont dû prier longtemps pour demander un enfant. Donc, voyez-vous, il avait déjà entamé quelque chose. Mais ici, Marie dit quoi ? Elle parle de son état. Elle n'a rien entamé. Elle n'a pas demandé quelque chose à Dieu. Et voyez, où est-ce que l'ange apparaît à Marie ? C'est dans un lieu où elle pouvait s'attendre à voir un ange ? Non, c'est pas, elle n'était pas en prière. On nous dit, l'ange a apparu à Marie chez elle à la maison. C'est comme vous et moi. Vous êtes assis chez vous. Quelqu'un vient. Même si l'apparition a été de la même façon, voilà, vous retournez, quelqu'un est là. Bon, peut-être qu'il est venu sur la pointe des pieds, mais voilà, quelqu'un est là à la maison. Dans votre tête, vous pouvez penser à un ange. C'est compliqué. On ne peut pas penser à cela. Au moins là, je peux dire qu'on peut donner raison à Marie. Elle ne s'attendait pas à quelque chose de ce genre. Mais Zacharie est dans un lieu où on sait que Dieu est là. Et tout ce qui apparaît, je peux dire, on peut déjà soupçonner que Ça, c'est une présence angélique ou une présence divine. Marie pose la question, mais vous voyez, l'ange lui donne toute l'assurance. Ta parente, Élisabeth, qu'on disait stérile, est déjà enceinte et elle est à son sixième mois. Marie sait de quoi il s'agit. Alors, est-ce qu'elle doute un seul instant? Elle ne doute pas. Elle dit, et l'ange a précisé que car rien n'est impossible à Dieu. Marie croit. Voyez, il faut d'abord de l'humilité dans un premier temps. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est accepter ce que l'autre a dit malgré ce que nous nous connaissons. Oui, nous pouvons avoir des connaissances. Allez chez Lassinat, le trouver dans son laboratoire en train de faire une analyse avec ses machines et tout, et puis dites-lui, ce mal dont tu parles là, ce truc-là, n'est pas vrai. Est-ce que vous allez vous entendre? Lassinat, on va s'entendre? On risque de ne pas s'entendre. Parce que toi, tu vas dire, voilà, tu vois la chose, voilà celle-là. Regarde toi-même. On va essayer sur la personne. Tu vas essayer sur la personne, voilà. Lassinat dit qu'il va essayer sur la personne. Ça, c'est la logique de Lassinat. Il faut qu'il croit. Et pour qu'il sache que c'est vrai, on va essayer sur lui pour voir. Vous voyez? Et ça, c'est difficile. Vous ne pouvez pas dire à Lassina que ça n'existe pas. Pendant que lui, il voit de ses yeux. Voilà la difficulté réelle. L'humilité voudrait que Lassina dise, bon, faisons le pas avec toi pour voir. Mais Lassina dit qu'il va essayer même. Ça veut dire que Lassina n'est pas d'accord. Il tient à sa position. Voilà la difficulté. L'humilité, c'est en fait, malgré ce que vous connaissez, d'accepter ce que l'autre a dit. Quitte à le poursuivre, à marcher avec lui pour vous rassurer. Pourquoi Jean a manqué d'humilité? Parce que Jean avait déjà des prérequis avec lui. Il a son âge. Il a ce qu'il a vécu. Toute l'expérience qu'il a eue, jusque-là, pas d'enfant. Et puis, ils ont vieilli, ça ne marche pas. Mais l'autre aspect que Jean n'a pas regardé, Zacharie n'a pas regardé, l'autre aspect qu'il n'a pas regardé, c'est quoi? Cette apparition qui est venue, à laquelle lui n'a pas du tout réfléchi profondément pour voir. Parce que s'il avait fait la liaison, il n'allait pas discuter. C'est le lieu où cela peut arriver. Mais Marie, vous voyez, elle, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle accepte facilement quelque chose de ce genre-là. Parce que c'est à la maison. Et puis, un étranger, tu ne connais pas, il vient et puis il apparaît, il commence à te dire des choses. Mais elle a accepté. Il fallait de l'humilité d'abord, dans un premier temps. Et croire en ce que la personne a dit. Parce que si vous n'avez pas eu cette humilité, la foi là ne vient pas. Il faut que vous soyez humble d'abord et puis maintenant vous montez sur ce que la personne a dit et dit c'est possible, d'accord, je crois que c'est possible. Ça peut arriver. Et je suis convaincu que ça peut arriver. Pourquoi? J'ai dit, tout ce monde autour de nous parle Noël, Noël, Noël, mais ne bouge pas. Dans ce monde-là, est-ce qu'il est facile que les gens s'accrochent à quelque chose si ce n'est pas vrai? Moi, je pose la question. On vérifie toujours. Si moi, je débouche tout de suite, je vous dis, voilà, c'est ça. Vous allez dire, ce que le pasteur a dit, il faut qu'on vérifie, voir. C'est pas ça? Sur le champ, on va appeler un tel, dit, mais le pasteur, il y a quelque chose ici que le pasteur est en train de montrer. Bon, est-ce que toi qui tu connais dans la matière, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on peut vérifier. Mais tout le monde dit Noël, n'est-ce pas? Ça veut dire, on se dit qu'il y a du vrai dans le fond. Si on croit en cela, si on est d'accord, on accepte avec les autres, qu'est-ce qui empêche qu'on puisse dire si c'est ceci, voilà la conclusion, ça doit être cela. Dans la suite du texte que je vais vous demander, que je vous ai demandé de lire, il y a beaucoup d'autres personnages qui rentrent en ligne de compte dans cette naissance de ce sauveur-là. Des gens actifs d'une manière ou d'une autre. Mais quand vous allez lire, vous allez voir que tous ces personnages-là n'ont pas eu la même attitude. Et cette attitude, c'est quoi? Certains n'ont pas eu cette humilité comme Zacharie. D'autres, par contre, ont eu cette humilité comme Zacharie. Et nous, en tant que chrétiens, qui célébrons presque chaque année cette Noël-là, quelle devrait être notre position quand nous sommes devant ces gens qui doutent? Parce que Dieu ne l'a pas fait pour les chrétiens seulement. Non, je ne pense pas que Christ soit venu pour une poignée de gens. Christ est venu pour le monde entier. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça? Il est venu pour toute l'humanité. Dieu a procédé de cette façon-là, afin que tous, que personne n'aille dans la perdition. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que Jean 3,16 nous dit, non? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans le quiconque, tout le monde est dedans. Il n'a pas fait de ségrégation. Dieu n'a pas fait de limitation. Il n'a pas choisi certains et laissé d'autres. Non. Il a donné ce Fils-là à tout le monde. De telle sorte que, de fois, les gens se posent la question, pourquoi les Juifs même, eux, d'où vient ce Jésus-là? Pourquoi certains d'entre eux ne croient pas? Parce que ça existe. Il y en a beaucoup qui ne croient pas. Et on se pose des questions. Pourquoi? Nous allons dire que peut-être nous sommes loin. L'histoire, c'est à travers la Bible que nous suivons cela. Mais ceux qui y sont, qui sont de cette source-là, mais pourtant ne croient pas. Pourquoi cela? L'explication, pour la chercher, il faut que chacun de nous réfléchisse longuement. On peut déjà avoir un début de réponse en regardant à comment est-ce qu'eux, ils regardent à cela. Nous fêtons. Nous sommes convaincus. Nous ne parlons plus de cette naissance-là parce que nous savons que ça s'est déjà passé. Mais il faut que nous demeurions sur notre position, celle de notre humilité et surtout de notre foi, qui triomphe au-delà de tout ce qui peut venir comme preuve ou autre chose pour nous tromper. Aujourd'hui, nous avons plus tendance à vouloir que tout soit selon la logique de l'homme. C'est pas cela? Quand on parle, on dit non, c'est pas logique. Ça ne tient pas. Mais est-ce que nous pouvons comprendre tout ce qui vient de Dieu? L'apôtre Paul l'a dit. C'est le mystère. Et il y a des aspects que nous ne pouvons pas comprendre étant ici sur cette terre, que nous comprendrons plus tard. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a justement cette attitude d'humilité qui doit être en nous, nous permettant que devant certaines choses que nous ne comprenons pas, que nous ne disons pas parce que je ne comprends pas que ce n'est pas vrai, non, nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de comprendre. Mais est-ce parce que moi je n'ai pas la capacité aujourd'hui de comprendre que je dois dire que c'est faux? Je ne dirai pas non. Je ne dirai pas que c'est comme ça. Nous voyons la femme enceinte arrêtée devant nous avec un gros ventre et puis on nous dit qu'il y a un enfant dedans. Bon, je n'ai pas un appareil pour faire une échographie et puis tout voir, mais je crois quand même. Pourquoi? Parce que je vois quelque chose de bombé. C'est ça? Et souvent on voit, on se dit que ça, avec son gros ventre là, ça doit être deux. Et quand elle fait, c'est un. C'est ça? Et deux fois, une avec un ventre apparemment qui derrière, et puis après on dit, il a des jumeaux. Comment ça? Où étaient tous ces enfants-là? Dans ce petit ventre-là? C'est pas cela? Aujourd'hui, on a cette chance qui permet qu'on puisse faire une échographie, rapidement savoir que ça peut être deux ou trois, ou un. Mais, pas le passé, et même aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui fait échographie aussi. C'est pas cela? Et on s'étonne. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en fêtant cette Noël-là, rappelons-nous cela. Est-ce que nous devons avoir un brin de doute. Est-ce que nous devons mettre de côté notre humilité? Est-ce que nous pouvons laisser notre foi être ébranlée par quoi que ce soit? Non. Il y a tellement de signes. Parce que je peux dire qu'à l'époque de Zacharie, il y avait des signes. Aujourd'hui, on a ces mêmes signes. Même si on ne veut pas les appeler signes. Il y a tellement de choses autour de nous. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos de notre temps aujourd'hui? Plein de signes qui nous montrent que ce que Dieu a dit dans sa parole n'a pas changé. Voilà ce qui est en train de se passer. Facilement, ce Zacharie, si on devait le considérer comme quelqu'un aujourd'hui, dans l'église, quelle sorte de personne il devait être? C'est pas un simple chrétien. On peut le considérer comme un quoi? Si on devait prendre Zacharie, le poste que Zacharie avait là-bas, c'était un sacrificateur, non? On allait dire que c'est quoi? Vous allez couper et puis dire c'est un pasteur. C'est pas cela? Mais voyez, lui qui est un sacrificateur, qui est devant, a le doute. Est-ce que vous ne croyez pas que dans l'église, même ces sacrificateurs qu'on appelle aujourd'hui pasteurs, on ne voit pas en eux souvent des doutes? Il n'y en a pas? Je vous pose la question, il n'y en a pas? Hein? Ah, si vous dites qu'il n'y en a pas, je me tais. C'est cette raison qui fait que quand on voit un sacrificateur qui dit que bon, venez, on va prier pour vous, et puis il faut préparer une enveloppe, vous dites, ça pose problème. Ça existe, non? Non, je vous pose la question, ça existe, non? Celui qui est devant la porte là dit que bon, il prie pour vous, vous allez avoir la guérison, mais en rentrant, il faut préparer une enveloppe. Ça existe. Vous, là-bas, qui connaissez la parole de Dieu, vous dites quoi? La parole de Dieu a dit quoi? Tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Ça, si vous sortez ce verset-là, vous vous appuyez dessus, vous avez raison. Mais si lui dit qu'il va prier, donner la guérison et puis on va prendre de l'argent, immédiatement, vous devez avoir du doute pour ce monsieur-là. Est-ce que c'est un vrai serviteur? Non, vous devez douter. Vous devez douter fort. Ça existe. Donc, autant on a ces sacrificateurs dans l'église qui sont comme Zacharie, autant on a plein de chrétiens qui sont comme Zacharie aussi. C'est cela? C'est pas vrai? Je vous pose la question. Ok. Hein? Quelqu'un a dit un jour que le monde là n'est plus dehors, il est dans l'église. Bon, si on nous dit ça, ça nous froisse. On s'énerve. Comment tu peux dire que le monde est dans l'église? C'est quoi ça? Comment tu peux comparer les gars du dehors avec nous? La réalité est que c'est vrai. Parce que les gens n'ont pas été assez vigilants. Et le diable ne te dit pas de ne pas aller à l'église. Il ne te dit pas de ne pas aller. Est-ce qu'il peut t'empêcher? S'il devait empêcher les gens d'aller à l'église, peut-être que la porte allait être fermée. Il va. Mais puisque lui, il sait qu'en toi, il a déjà quelque chose, tu vas, tu écoutes et tu ne crois pas. C'est fini. C'est fini. Il ne t'empêche pas d'aller à l'église. Tu peux aller à l'église. Mais maintenant, est-ce que ce qu'on te dit reste? Est-ce que tu peux appliquer? Non. Voilà les difficultés. Et c'est pourquoi je dis, faisons tout pour que notre humilité soit réelle et que ce que nous avons en main, notre foi là, qu'on l'attrape sérieusement, qu'elle triomphe toujours, pour que nous demeurons avec notre Seigneur. C'est une marche, une course jusqu'au bout, pas à moitié. Si vous arrêtez en chemin, vous êtes perdant. Nous avons déjà fait suffisamment de temps. Nous avons déjà fait un chemin. Ne nous arrêtons pas au milieu. Nous sommes à cette fête-là. Nous, déjà, nous connaissons notre position. Aidons les autres aussi à venir et à connaître cette vérité-là. Aujourd'hui, facilement, on vous dit, c'est la même chose. Quoi? Vous, c'est Christ, vous dites, nous aussi, on dit Christ. Point. C'est déjà réglé. Mon oncle qui était là, il m'a dit, tu dis que tu es chrétien? Je dis oui. Lequel? Je dis, je suis protestant. Il dit, vous ne buvez pas? Je dis oui. Vous ne mangez pas ce qui est mort? Je dis oui. Il dit que c'est la même chose. Ça va. Il n'y a pas de problème. Je ne pouvais pas discuter. parce que j'avais eu peur qu'il s'oppose au fait que je sois devenu chrétien. Vous voyez? Et j'étais sûr qu'il allait se fâcher, me condamner, me gronder. Mais il a dit comme ça, puis j'ai dit merci Seigneur. Parce que moi, j'ai passé tout mon temps, le trajet dans le train, de Ouaga à Bobo, je priais seulement. J'ai dit Seigneur, il faut vraiment m'aider pour qu'en arrivant, que mon oncle ne... que je n'ai pas vraiment une prise de bec avec mon oncle parce que je ne suis plus musulman et je suis devenu chrétien. Ah, il faut que tu aides-moi. J'ai prié sur tout le trajet là. Et puis je suis arrivé, c'était l'heure de la prière. Bon, d'habitude tout le monde prend la bouilloire, on fait les ablutions. J'étais assis, ils ont fait leurs ablutions, ils sont revenus, ils ont prié. Et puis le revenu dit, Tchoro, à quel âge? J'ai dit, moi, je ne suis plus chrétien, je ne suis plus musulman. Il dit, est-il islamé et tout? J'ai dit, oui. Et du moyen, tu es lequel? J'ai dit chrétien. Il dit lequel? Parce que lui, il fait la différence, non? J'ai dit, bon, protestant. Que vous ne buvez pas? J'ai dit, oui. Vous ne mangez pas ce qui est mort? J'ai dit, oui. Il dit, en islam, il y a un caca. Voilà. Avec l'islam, c'est la même chose. C'est bon. Point. Ça m'arrangeait à l'époque. Ou bien, ça m'arrangeait. J'ai dit, merci Seigneur, tu as répondu favorablement à ma prière. Mais aujourd'hui, si quelqu'un me dit ça, je lui dis non, assieds-toi, on va parler. Ce n'est pas la même chose. Et je vais lui faire la différence. Donc, vous voyez, l'amalgame est facile aujourd'hui. Et puis, bon, on s'accommode. Est-ce que la vie chrétienne, marcher avec Christ, on doit s'accommoder? Je dis non. Nous nous connaissons où se trouve la vérité. Et nous devons garder la vérité. En fêtant cette Noël, je voudrais encore que nous pensions à cela. C'est vrai. Nous avons plein de voisins qui ne connaissent pas Christ. Nous avons tous ces gens qui sont dehors, qui sont en train de, d'une manière ou d'une autre, de profiter de cet événement de la Noël. Bien. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous de leur dire réellement ce qui est derrière la Noël, là, celui qui est au centre, là, le voici. Et puis, là, il n'y a plus d'assurance que ce que vous gagnez aujourd'hui. Parce que tout ce qu'ils auront aujourd'hui, en deux jours, ça va partir. Mais cette vie que vous et moi nous avons, cette vie demeure. Et je crois que c'est ce qui est important. Et mes frères et mes sœurs, je voudrais que nous puissions nous être conscients de cela. Et aussi, permettre aux autres aussi d'être conscients. Les amener à cela. Il y a plein de possibilités pour que ces gens aussi le sachent. Sinon, regardez autour de nous. Si on dit notre monde, je mets entre griffes, civilisé. Tout le monde parle de la Noël. Ce n'est pas caché. Mais combien vont dire, comme ils parlent beaucoup de ça, on va fouiller pour savoir ce qui est au fond. On fait souvent des émissions, on explique beaucoup de choses. Mais vous voyez, après la fête, tout le monde a rangé ses bagages. Les gens ont fermé leur magasin. Les gars repartent. Mais à l'église, nous ne devons pas faire comme ça. Je sais que pour cette Noël, deux fois, à cause du fait que je n'ai pas pu avoir mon habit à temps sur le tailleur, on va faire beaucoup de palabres avec lui, ou bien le gros, et on revient, on dit, moi je ne peux même pas sortir, maman. Parce que voilà, on fait des histoires. Est-ce que Noël, c'est l'habillement? C'est la nourriture? Non, mes frères et mes sœurs. Pourtant, vous voyez, ça c'est quelque chose. C'est pourquoi je vous ai dit à l'église, on vit les mêmes difficultés. Noël, ce n'est pas ça. Noël, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est le monde qui est en train de nous flatter, de montrer que Noël, c'est ça. Mais Noël n'est pas cela. Noël, c'est nous rappeler encore que Dieu, il a encore envoyé ce sauveur-là. Cette lumière. Et nous, nous l'avons embrassée. Nous la gardons. Et nous permettons aux autres aussi de la garder, de la voir et de la garder. Veuillez vous tenir debout à prier. On va prier pour tout le corps de Christ. Que partout où le corps de Christ se prépare pour cette Noël-là, qu'on ne laisse pas des futilités nous décourager. C'est préparatif pour la Noël, pour la veillée, pour certains, pour préparer le repas. Tout cela sont des occasions où l'ennemi utilise pour encore mettre les gens dans la colère et les mettre encore les éloigner encore de Christ. On ne veut pas cela. On va prier pour demander à Dieu qui, à travers cet événement, nous rappelle qu'il a envoyé la lumière dans ce monde ténébreux, que le même Dieu aide ceux qui l'ont déjà de garder et de partager avec les autres. Prions chacun pour lui-même et prions pour l'Église. Prions. Père, ce matin, je voudrais encore te dire merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, en célébrant la fête de Noël. Père, en pensant à tout ce qui est autour de nous, nous voulons encore nous remettre à toi. Oui, Seigneur, tu nous connais. Tu connais nos limites, comme Zacharie. Oh, Seigneur, tu sais que pour un rien, nous doutons. Et que, éternel Dieu, notre humilité est limitée. Tu sais que pour un rien, comme Zacharie, Seigneur, notre foi est branlante. Mais Père, nous voulons te dire merci. Toi qui as envoyé cette lumière, oui, Seigneur, tu as préparé le chemin jusqu'à ce que aujourd'hui nous soyons dans cette lumière. Nous voulons t'en être reconnaissants. Permets à tes enfants, chacun de nous, de garder cette lumière pour lui-même et aussi de pouvoir partager cela avec les autres, afin que ceux qui sont toujours dans la ténèbre puissent, Seigneur Dieu, oui, en sortir et venir à toi. Merci car tu es Dieu. Merci parce que tu es bon. Merci de ce que tu vas nous répondre au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Nancy de dire merci à Dieu pour cela. Seigneur notre Dieu, nous voulons demain célébrer encore une fois la naissance de Jésus. Jésus qui a quitté les lieux célestes et qui est né, pas dans le palais du roi, mais dans les tables auprès des animaux, dans une famille pauvre qui ne pouvait même pas offrir un bœuf ou bien un chèvre pour sa naissance. Oui, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, tout ce qu'il a vécu sur la terre, nous ne pouvons pas imaginer. Tout ce qu'il a sacrifié pour nous sauver, nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais, Seigneur, une seule chose, nous sommes reconnaissants. Et nous voulons que, Seigneur, demain, la fête de Noël soit pour nous un moment de nous rappeler encore une fois combien tu nous aimes, oui, Seigneur. Combien tu fais pour nous, combien tu as fait, mais combien tu continues à faire pour nous, oui, Seigneur. Afin que nous soyons sauvés. Seigneur Dieu, donne-nous à comprendre que les futilités qui nous détournent de cet objectif, qui nous empêchent de comprendre le vrai sens de ce jour, peuvent atteindre notre foi. Oui, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à rester les yeux fixés sur Jésus demain, de célébrer sa naissance et de célébrer sa lumière dans ce monde et de partager cette lumière avec ceux qui ne l'ont pas encore vue. Oui, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est ça qui est important. C'est la vraie raison et le vrai sens de cette saison. Seigneur Dieu, merci de nous avoir fait voir cette lumière dans notre vie. Donne-nous à garder toujours avec fidélité les choses les plus importantes et de ne pas être détourné par le regard vers les choses qui brillent, oui, mais qui ne sont pas de l'or. Oui, Seigneur. Ô Seigneur Dieu, tu es fidèle. Aide-nous, même dans notre faiblesse, Seigneur, fortifie-nous, oui, afin que nous soyons également fidèles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Je vais vous asseoir dans la grâce du Seigneur. Thank you.